Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Jean-Pierre Cassel lit trois contes d'Andersen. Le garçon porché. Il y avait une fois un pauvre prince. Son royaume était tout petit, mais tout de même assez grand pour qu'il pût se marier. Et c'était se marier qu'il voulait. C'était assez hardi de sa part, il est vrai, d'oser dire à la fille de l'empereur « Veux-tu de moi ?» Mais il pouvait l'oser, car son nom était célèbre au loin, et il y avait des centaines de princesses qui lui auraient répondu « Oui, merci !» Mais croyez-vous qu'elle l'ait fait ? Écoutez l'histoire. Sur la tombe du père du prince poussait un rosier. Oh, quel beau rosier ! Il ne donnait de roses que tous les 5 ans, et alors il n'en avait qu'une, mais c'était une rose au parfum si exquis qu'à la sentir, on oubliait tous ses chagrins et ses soucis. Et le prince avait aussi un rossignol, qui savait chanter comme s'il avait toutes les plus belles mélodies dans son gosier. Cette rose et ce rossignol étaient pour la princesse. Ils furent donc mis tous deux dans de grandes caisses d'argent et lui furent adressés. L'empereur les fit porter devant lui et entra dans la grande salle où la princesse était en train de jouer aux visites avec ses dames d'honneur. Elle n'avait pas d'autre occupation. Et lorsque la princesse vit les grandes caisses qui contenaient les cadeaux, elle battit les mains de joie. « Si seulement c'était une petite moumoute !» dit-elle. Et ce fut la délicieuse rose qui parut. « Non, comme elle est joliment faite !» dirent toutes les dames d'honneur. « Elle est plus que jolie, dit l'empereur, elle est belle !» Mais la princesse la toucha et fut sur le point de pleurer. « Fi, papa, elle n'est pas artificielle, c'est une vraie rose !»« Fi !» dirent toutes les dames d'honneur, « c'est une vraie rose !»« Voyons d'abord ce qu'il y a dans l'autre caisse avant de nous fâcher, dit l'empereur. » Et l'on vit le rossignol. Il chanta si bien que l'on n'eut rien à y redire tout de suite. « Super !» « Superbe, charmant !» dirent les dames d'honneur en français, car elles parlaient toutes français, l'une plus mal que l'autre. « Comme cet oiseau me rappelle la boîte à musique de feu l'impératrice, » dit un vieux gentilhomme. « Oh oui, c'est tout à fait le même accent, la même diction. »« Oui, » dit l'empereur, et il pleura comme un petit enfant. « Je ne veux tout de même pas croire qu'il soit vrai, » dit la princesse. « Si, c'est un véritable oiseau, » dirent ceux qui l'avaient apporté. « Alors que l'oiseau s'envole, » dit la princesse. Et elle ne voulut pas du tout permettre au prince de venir. Mais il ne se laissa pas décourager. Il se barbouilla la figure avec du brun et du noir, enfonça la tête dans sa casquette et vint frapper à la porte. « Bonjour, empereur, » dit-il. « Est-ce que je trouverai du service ici dans le château ?»« Oh, il y en a tant qui demandent, » dit l'empereur, « mais voyons un peu. Oui, j'ai besoin de quelqu'un pour garder les cochons, car nous en avons beaucoup. » Et le prince fut ainsi nommé garçon porcher impérial. Il eut une mauvaise petite chambre en bas de la cendre des cochons, et c'est là qu'il dut habiter. Mais il passa toute la journée à travailler. Et lorsque vint le soir, il avait fabriqué une jolie petite marmite qui portait des clochettes tout autour, et aussitôt que la marmite bouillait, les clochettes sonnaient et jouaient gentiment la vieille mélodie « Ar du liber Augustin, alles ist weg, weg, weg ». Et ce qu'elle avait de plus ingénieux était que si l'on mettait le doigt dans la vapeur de la marmite, on pouvait tout de suite sentir quel plat cuisait dans chaque cheminée de la ville. Voilà qui était autre chose qu'une rose. La princesse vint à passer en se promenant avec toutes ses dames d'honneur, et lorsqu'elle entendit la mélodie, elle s'arrêta et eut une mine très contente, car elle aussi savait jouer « Ach, du lieber Augustin ». C'était la seule qu'elle sut jouer, mais elle la jouait avec un doigt. « C'est l'air que je sais, » dit-elle. « Ça doit être un garçon porché cultivé. Écoutez, entrez lui demander ce que coûte cet instrument. » Et l'une des dames d'honneur dut y aller bien vite, mais elle mit de gros sabots. « Que veux-tu avoir pour cette marmite ?» demanda la dame d'honneur. « Je veux avoir 10 baisers de la princesse, » dit le garçon porché. « Dieu ait pitié de nous, » dit la dame d'honneur. « Oui, ça ne peut pas être moins. »« Eh bien, que dit-il ?» demanda la princesse. « Je ne peux vraiment pas le dire, » dit la dame d'honneur. « C'est horrible. » « Eh bien, tu peux le dire tout bas. » La dame d'honneur le dit tout bas. « Il est malhonnête, » dit la princesse, qui partit aussitôt. Mais lorsqu'elle eut fait quelques pas, les clochettes sonnèrent gentiment. « Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. » Jean-Pierre Cassel, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a lu les contes d'Andersen ? Je crois que c'est ma grande sœur qui a dû me lire la première fois le... un conte d'Andersen. Un soir où elle devait me garder, où je ne savais pas quoi faire, où je devais un petit peu traîner comme ça. Elle m'a dit, mais tiens, je vais te lire une histoire, j'ai lu un livre formidable et tout, et je crois qu'elle m'avait raconté la petite sirène. Puis alors après, bien sûr, comme tous les enfants, j'ai eu des contes d'Andersen offerts pour mes anniversaires, je ne sais pas lequel, enfin très tôt, et puis illustrés, avec sûrement une édition... un petit peu expurgé, enfin en tout cas pas complète, parce que je crois qu'il a écrit des dizaines et dizaines de contes. Des centaines de contes même. C'est-à-dire, j'en ai eu quoi, un livre qui devait en compter une cinquantaine ou soixantaine. Quoi. Et puis après, il y a eu d'autres éditions que j'ai vues où effectivement il y en avait beaucoup plus. Et alors, j'ai rencontré tous les personnages qu'il a créés, la petite sirène, la petite marchande d'allumettes, et en fait les histoires les plus classiques, et puis des moins connues, qui sont d'ailleurs souvent quelquefois plus poétique et plus intéressante que celle qu'on connaît beaucoup. Écoute, dit la princesse, demande-lui s'il veut avoir 10 baisers de mes dames d'honneur. Non, merci, dit le garçon porché, 10 baisers de la princesse ou bien je garde la marmite. Comme c'est ennuyeux, dit la princesse. Mais alors, il faut que vous vous teniez devant moi pour que personne ne le voie. Et les dames d'honneur se placèrent devant elles en tenant leurs robes élargies, et le garçon porché eut ses 10 baisers, et la princesse eut la marmite. Ah ! C'en fut un plaisir. Toute la soirée et le jour suivant, la marmite dut bouillir. Il n'y eut pas une cheminée dans toute la ville où l'on ne sut ce qui cuisait, aussi bien chez le chambellan que chez le cordonnier. Les dames d'honneur dansaient et battaient des mains. « Nous savons qu'il y aura du potage aux confitures et de la galette. Nous savons qu'il y aura de la bouillie de gruau ou des côtelettes. Comme c'est intéressant !»« Extrêmement intéressant !» dit la grande maîtresse de la cour. « Oui, mais bouche close, car je suis la fille de l'empereur. Dieu nous en garde, » dirent-elles toutes. Le garçon porché, c'est-à-dire le prince, mais elle croyait qu'il était un vrai porcher, ne passa pas la journée sans rien faire. Il fabriqua une crécelle, et quand on l'agitait, on entendait grincer toutes les polkas, valses et sauteuses connues depuis la création du monde. « Mais c'est superbe !» dit la princesse lorsqu'elle passa par là. « Je n'ai jamais entendu plus agréable morceau. Écoutez, allez lui demander ce que coûte cet instrument, mais pas de baiser. Il veut avoir... 100 baisers de la princesse, dit la dame d'honneur qui avait été s'informer. Je crois qu'il est fou, dit la princesse, et elle s'en alla. Mais, au bout de quelques pas, elle s'arrêta. Il faut encourager l'art, dit-elle. Je suis la fille de l'empereur. Dites-lui qu'il aura 10 baisers comme hier, il pourra recevoir le reste de mes dames d'honneur. Oui, mais nous ne voulons pas, dirent les dames d'honneur. « Niaiserie, dit la princesse, si je peux l'embrasser, vous le pouvez bien aussi. Rappelez-vous que je vous donne traitement et entretien. » Et la dame d'honneur dut retourner chez le porcher. « 100 baisers de la princesse, dit-il, où chacun garde son bien. » « Entourez-moi, dit-elle, et toutes les dames d'honneur l'entourèrent, et elle se mit à l'embrasser. Qu'est-ce que cet attroupement là-bas dans la sente aux cochons ? Dit l'empereur, qui était sorti sur sa terrasse. Il se frotta les yeux et mit ses lunettes. Et ce sont les dames d'honneur qui font des blagues, il faut que je les rejoigne. Et il releva l'arrière de ses pantoufles, car c'était des souliers dont le contrefort ne tenait plus. Sapristi, comme il se dépêchait. Dès qu'il fut arrivé dans la cour, il alla tout doucement, et les dames d'honneur étaient si occupées à compter les baisers, afin que le comte fût loyal, ni trop, ni trop peu, qu'elles ne virent pas l'empereur. Il se dressa sur la pointe des pieds. « Qu'est-ce que c'est ? » dit-il lorsqu'il vit que l'on s'embrassait, et il leur donna sur la tête un coup de sa pantoufle au moment même où le porcher recevait le 86e baiser. « Hors d'ici ! » dit l'empereur, car il était furieux, et la princesse et le garçon porcher furent tous deux chassés de son empire. La princesse pleura, le garçon porcher maugréa, et il pleuvait à verse. « Oh, que je suis malheureuse !» dit la princesse. « Que n'ai-je pris, le charmant prince ? Je suis bien malheureuse !» Et le garçon porcher alla derrière un arbre, essuya le brun et le noir de son visage, rejeta ses vilains habits et s'avança dans son costume de prince, si beau que la princesse dut faire la révérence. « Je suis venu pour te faire affront, » dit-il. « Tu n'as pas voulu d'un prince loyal. Tu n'as pas apprécié la rose et le rossignol. Mais tu as pu donner des baisers au porcher pour un joujou à musique. Amuse-toi maintenant. » Et il rentra dans son royaume, ferma la porte et y mit le verrou. Elle pouvait bien rester dehors et chanter. « Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg. » Veuc. Là, vous avez lu des histoires qui finalement sont assez drôles. Oui, c'est vrai. L'humour est un petit peu sévère aussi. Je trouve l'histoire du porcher est un peu sévère parce que la fin n'est pas du tout. C'est pas le happy end. Enfin, la réaction de ce prince dans une histoire pour enfants conventionnelle, il se marie quoi. Il est content. Elle embrasse le porcher puis elle tombe amoureuse de lui. Puis là, pas du tout. Il lui donne une leçon terrible. Je veux dire qu'il lui dit carrément, je viens de te faire un affront. Et puis il la laisse toute seule et il retourne chez lui tout seul aussi. C'est très curieux d'ailleurs que comme à travers une écriture comme ça qui a l'air d'être un petit peu anodine et un peu pour les enfants et tout, et puis tout d'un coup on découvre des choses assez cruelles et assez quelque chose d'un petit peu coincé même quelque part, un petit peu, c'est très intéressant sur ce plan là mais le vilain petit canard et la petite sirène, c'est aussi très triste. C'est la petite marchande d'allumettes. C'est sinistre, bien. Carrément. Enfin, ça se termine bien, quand même. Oui, ça se termine bien. Enfin, disons que, oui, c'est pour les croyants, ça se termine très bien. Enfin, c'est toujours des histoires, elles sont comme ça, à plusieurs facettes et à plusieurs possibilités d'une interprétation. Et souvent, ça n'est jamais très gai, quoi. Mais en fait, tout ça dégage un grand charme, je trouve. Très, très grand charme. La princesse au petit pois. Il y avait une fois un prince qui voulait avoir une princesse, mais elle devait être une vraie princesse. Et il voyagea dans le monde entier pour en trouver une, mais toujours, il y avait quelque chose à redire. Les princesses ne manquaient pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? Il ne pouvait s'en assurer tout à fait. Toujours, il y avait quelque chose qui n'était pas comme il fallait. Et il rentra chez lui tout chagrin, car il aurait voulu avoir une véritable princesse. Un soir, on eut un temps affreux. Éclairs et tonnerre, pluie à torrents, c'était effrayant. On frappa à la porte de la ville et le vieux roi alla ouvrir. C'était une princesse qui était dehors. Mais Dieu, de quoi avait-elle l'air avec cette pluie et ce vilain temps ? L'eau lui coulait dans les cheveux et sur ses vêtements. Elle lui entrait dans le nez et dans les souliers, et sortait par les talons. Et elle dit qu'elle était une véritable princesse. « Bon, c'est ce que nous allons voir, » pensa la vieille reine. Mais elle ne dit rien, alla dans la chambre à coucher, enleva toute la literie et déposa un petit pois au fond du lit. Puis elle prit 20 matelas, les étendit par-dessus le pois, et mit encore 20 couettes de plumes d'éder par-dessus les matelas. C'est là que la princesse devait coucher la nuit. Le matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Oh, terriblement mal, dit la princesse. Je n'ai presque pas fermé l'œil de toute la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'ai couché sur quelque chose de dur et j'en ai le corps tout brun et bleu. C'est terrible. » Alors on put voir que c'était une vraie princesse, puisqu'elle avait senti le petit poids à travers les 20 matelas et les 20 couettes de plumes. Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau si délicate. Le prince la prit donc pour femme, car il savait maintenant qu'il avait une vraie princesse, et le poids fut placé dans le cabinet des objets d'art, où il est encore si personne ne l'a pris. Voyez, c'est là une vraie histoire. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la lecture, petit ? Je pense, à cette époque, je crois que la lecture était une chose assez habituelle par l'éducation qu'on recevait, d'une part, et puis par l'école, et par l'exemple autour de soi, puis parce que le fait qu'il n'y avait pas de télévision, qu'il y avait moins de distraction au sens de vous distraire de quelque chose. Et alors qu'on était automatiquement porté vers la lecture. Et puis chez moi, j'ai des souvenirs de livres d'enfants. J'adorais, parce que c'était toute la collection de la Bibliothèque Verte, où il y avait toutes les histoires de Jack London, de James Oliver Curwood, et tous les Jules Verne. Et ça, j'ai lu, j'ai dévoré tout ça. Puis le fait d'avoir la collection, en plus, me poussait à lire, parce que je voulais avoir tous les livres. Alors on se les échangeait avec des copains. Quand on se faisait le même, par exemple, des copains qui disaient « Ah, mais tu as pas eu Barry Chien-Loup, moi je l'ai deux fois, je te le donne. » Alors donc j'ai des souvenirs de ça très précis. Et puis... il y avait aussi une collection de contes qui étaient très joliment illustrés, où il y avait justement les contes d'Andersen, et puis les contes égyptiens, des contes grecs, des contes, les contes et légendes des dieux et des héros. Enfin, j'ai lu tout ça et j'ai beaucoup lu à ce moment-là, c'est certain. Le costume neuf de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux costumes neufs qu'il donnait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ne se souciait pas de théâtre, ni d'aller en voiture dans la forêt, sinon uniquement pour montrer ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure du jour. Et de même que l'on dit d'un roi « il est au conseil », on disait toujours de lui « il est dans sa garde-robe ». Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup. Chaque jour venaient de nombreux étrangers. Un jour arrivèrent deux escrocs. Ils se donnèrent pour tisserands et dirent qu'ils savaient tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on put imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient exceptionnellement beaux, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisibles à quiconque ne savait pas remplir son emploi ou bien était d'une irrémissible bêtise. « Voilà de charmants habits, se dit l'empereur. » En les portant, je pourrais découvrir quels hommes ne savent pas remplir leur emploi dans mon royaume. Je pourrais distinguer les gens intelligents des sots. Oui, tout de suite, il faut que l'on me tisse cette étoffe. » Et il donna beaucoup d'argent aux deux escrocs, à titre d'art, pour leur faire commencer leur travail. Ils installèrent bien deux métiers à tisser et firent semblant de travailler, mais... ils n'avaient rien du tout sur le métier. Bien vite, ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils fourrèrent le tout dans leur propre sac et travaillèrent avec les métiers vides, et même jusque tard dans la nuit. Je voudrais bien savoir où ils en sont de leur étoffe, se dit l'empereur. Mais il se sentit un peu gêné à l'idée que celui qui était bête ou convenait mal à son emploi ne pourrait rien voir. Il pensait bien qu'il n'avait rien à craindre pour lui-même, mais il voulait d'abord envoyer quelqu'un voir comment ça marchait. Tous les gens de la ville savaient quelle merveilleuse qualité l'étoffe possédait. Et chacun était curieux de voir combien son voisin était bête ou incapable. « Je vais envoyer au tisserand mon vieux et brave ministre, se dit l'empereur. C'est lui qui peut le mieux voir l'effet que fait l'étoffe, car il est intelligent et personne mieux que lui ne remplit sa fonction. » Et le vieux et honnête ministre entra dans la salle où les deux escrocs travaillaient à leur métier vide. « Dieu ait pitié de nous, se dit le vieux ministre en écarquillant les yeux. « Je ne vois rien du tout !» Mais il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin et de charmantes couleurs. Et il montrait le métier vide, et le pauvre vieux ministre continuait à écarquiller les yeux, mais ne pouvait rien voir, car il n'y avait rien. « Grand Dieu, songeait-il, est-ce que je serai bête ? Je ne l'ai jamais cru. Est-ce que je remplirai mal ma fonction ? Non, il convient de ne pas raconter que je ne peux pas voir l'étoffe. » « Eh bien, vous n'en dites rien, » dit l'un des deux qui tissait. « Oh, c'est joli, c'est tout à fait magnifique !» dit le vieux ministre en regardant avec ses lunettes. « Ce dessin et ses couleurs, oui, je dirai à l'empereur que cela me plaît extrêmement !»« Ah, ça nous fait plaisir !» dirent les deux tisserands. Et ils désignèrent les couleurs par leur nom et expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre les écouta avec attention afin de pouvoir répéter ce qu'il entendait lorsqu'il serait revenu auprès de l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Alors les escrocs demandèrent encore de l'argent ainsi que de la soie et de l'or qui devaient servir au tissage. Ils mirent tout dans leur poche et pas un fil ne vint sur le métier, mais ils continuèrent comme auparavant à tisser sur le métier vide. On vous a raconté des histoires, à part votre grande sœur qui vous a lu les contes dans la scène. Oh, bien sûr, on m'a raconté des histoires. Non, oui, j'ai eu des oncles, des... Des oncles, c'est curieux, c'est rare que... Oui, j'ai eu un oncle qui me racontait, deux oncles, qui étaient très différents de caractère et de tempérament, mais qui étaient des gens qui aimaient bien raconter des histoires. Et il y en avait un qui était un ancien officier de marine et qui me racontait des histoires extraordinaires. Ça ne m'a pas donné le goût des voyages, ni le goût de la marine, d'ailleurs, pour autant, mais c'était quelque chose qui me faisait rêver, qui me faisait... C'était pas des histoires lues, alors, c'était des histoires qu'il inventait. Des histoires, oui, ou qu'il inventait, ou qui lui étaient arrivées, peut-être plus ou moins, ou comment savoir, où était la part de fiction et de réalité. C'était un homme très, très intelligent, très drôle, et qui était très bavard, et alors qui trouvait son compte, en fait, à me raconter des histoires, peut-être qu'il pouvait pas les raconter à d'autres, que moi, j'étais un spectateur attentif et un peu naïf sans doute, et donc il racontait des très très jolies histoires. Qui encore m'a raconté des histoires ? Non, ou bien j'ai eu des dames qui ont dû me garder à une époque de ma vie. Je me souviens d'une en particulier qui me racontait beaucoup d'histoires, mais de son pays à elle, en fait de sa région, des histoires qui lui étaient arrivées à elle, alors qui étaient des histoires de vie à la campagne, quoi, et qui étaient très loin de moi, puisque j'étais un petit citadin, moi, et que j'ai assez peu connu la campagne. Enfin, je la connais plus maintenant. J'ai plus un besoin maintenant de verdure que je n'ai eu jamais dans ma vie. L'empereur envoya bientôt un second haut fonctionnaire, honnête, pour voir comment allait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Ce fut pour lui comme pour le ministre. Il regarda et regarda, mais comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. « Eh bien, n'est-ce pas une belle pièce d'étoffe ?» dirent les deux escrocs. Et ils montrèrent et expliquèrent le ravissant dessin qui n'existait pas. « Je ne suis pas bête, songea l'homme. C'est donc mon bon emploi auquel je ne conviens pas. C'est assez bizarre, mais il ne faut pas que l'on s'en aperçoive. » Et il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas et affirma sa joie des belles couleurs et du charmant dessin. « Oui, c'est tout à fait magnifique !» dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlèrent de la superbe étoffe. Et l'empereur voulut la voir lui-même pendant qu'elle était encore sur le métier, avec tout un groupe d'hommes éminents, parmi lesquels étaient les deux vieux fonctionnaires qui déjà y étaient venus. Il se rendit auprès des deux escrocs malins, qui tissaient de toutes leurs forces, mais sans le moindre fil. « Oui, n'est-ce pas admirable ?» dirent les deux fonctionnaires honnêtes. « Votre Majesté veut-elle voir quel dessin, quelle couleur ?» Et il montrait du doigt le métier vide, car il croyait que les autres pouvaient sûrement voir l'étoffe. « Comment ?» se dit l'empereur. « Je ne vois rien. C'est effrayant. » « Suis-je bête ? Ne suis-je pas capable d'être empereur ? Il ne pourrait rien m'arriver de plus terrible. »« Oh, c'est très beau !» dit l'empereur. je donne ma plus haute approbation. » Et il fit un signe de tête satisfait et considéra le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne pouvait rien voir. Toute la suite qu'il avait amené regardait et regardait sans y voir plus que tous les autres, mais tous disaient, comme l'empereur, « Oh, c'est très beau !» et lui conseillaient de porter pour la première fois un costume taillé dans cette nouvelle étoffe superbe à la grande procession qui devait avoir lieu bientôt. « C'est admirable, ravissant, parfait » disait-on en chœur. Et tout le monde était enchanté. L'empereur gratifia chacun des deux escrocs d'une croix de chevalier, à mettre à leur boutonnière, et du titre d'écuyer tisserand. Toute la nuit qui précéda le matin où la procession devait se dérouler, les escrocs furent à l'heure avec plus de 16 lumières allumées. Les gens pouvaient voir qu'ils se dépêchaient d'achever le nouveau costume de l'empereur. Ils firent comme s'ils ôtaient l'étoffe du métier, coupèrent l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil et dirent enfin « Voilà, le costume est terminé !» L'empereur vint lui-même, avec ses chevaliers d'honneur, et les deux escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est léger, comme une toile d'araignée. On croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la qualité de l'étoffe. » « Oui, » dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu'il n'y avait rien. « Votre Majesté impériale veut-elle avoir la bonté de se déshabiller pour que nous lui mettions l'habit neuf devant ce grand miroir ?» L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs firent simplement le geste de lui donner chaque pièce des nouveaux, qui étaient soi-disant cousus. Et ils le prirent par la taille, et eurent l'air d'attacher quelque chose. C'était la traîne, et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. « Dieu, comme c'est bien pris, comme ça va parfaitement !» dirent-ils tous. « Quel dessin, quelle couleur ! En voilà un précieux habit !» Les gens qui doivent porter le dais au-dessus de votre majesté pendant la procession sont là, dehors, dit le maître des cérémonies. « Oui, me voilà prêt, dit l'empereur. Ça va-t-il bien ?» Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il fallait qu'il eût l'air de bien contempler son costume de gala. Les chambellans qui devaient porter la traîne touchèrent avec les mains par terre, comme s'ils la relevaient. Ils marchèrent, les mains devant eux, car ils ne voulaient pas que l'on s'aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et l'empereur défila dans la procession, sous le magnifique dais, et tout le monde, dans la rue et aux fenêtres, disait « Dieu, comme le nouveau costume de l'empereur est splendide ! Quelle belle traîne il a ! Comme elle est d'un bel effet !» Personne ne voulait que l'on s'aperçût qu'il ne voyait rien, car cela aurait prouvé qu'on n'aurait pas bien rempli son emploi ou aurait été très bête. Aucun costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. « Mais il n'a rien sur lui !» dit un petit enfant. « Grand Dieu, entendez la voix de l'innocence !» dit le père. Et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. « Il n'a rien sur lui ! Un petit enfant dit qu'il n'a rien sur lui ! Il n'a rien sur lui !» cria finalement tout le peuple. Et l'empereur eut un frisson, car il lui semblait bien que ces gens avaient raison. Mais il se disait qu'il lui fallait subir la procession jusqu'au bout, et il prit une allure encore plus fière, et les chambellans marchèrent, tenant la traîne qui n'existait pas. Première lecture, lecture d'enfance. Les contes d'Andersen par Jean-Pierre Cassel. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.